976 Monil WARO. Cette chanson elle est dédicacée à mes frères, à mes soeurs, à mes potes. Tout son bureau est au pot. 7-3. Pas trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sur moi-même. Souvent, je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. Pas trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sur moi-même. Souvent, je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. Mes problématiques sont fascinantes, dramatiques. Surtout quand je suis en colère, je perds de père mes repères dans mon secteur. Mon cœur palpite à l'intérieur de mes chers soupirs. Sont durs, contribuent une douleur. Mon décalage entre la femme et attend la mère souffrir. Handicap, la seule lumière veut se déclencher, choquer. Impossible de se mettre en situation pour arranger ma mentalité. J'ai l'impression que mon corps dégage des intempéries. Deux fois dit, je vais tout briser. Ce que je suis en train de canaliser. Mais je reste un bonhomme d'enthousiasme, résistance à cette dose orientée. J'en ai reçu de vos conseils, m'ont décampé le cerveau. A vos décrets, j'en ai cassé des stylos. Je remplis ma coupe de fer à tirer. Je retape mon texte pour atteindre le niveau. Je passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent, je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. Je passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent, je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. La période était mal, la vie était lourde. Quand j'aperçus que ma mère était malade, mon cœur n'arrivait plus à se reposer ce jour-là. Sors du taf, fatigué, rentre chez moi, un appel manqué. Je compose le numéro abrégé, celui de ma mère, c'est juste pour savoir le nouvel. Car sur le pôle de Mayotte, moi je détaille l'essentiel. Mais je regarde la lune, la planète a trop belle. Je me rappelle aussi au bled, pendant ma mère qu'elle faisait le ménage. J'attendais pas qu'elle me dise, je prenais des initiatives devant elle. Aujourd'hui je suis plus à ce côté, des coups de souffle, des coups de larmes. Tant si j'arrivais plus à trouver le calme. J'ai trop des palpitations qui me gênent. J'ai trop des palpitations qui me gênent. J'passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. J'passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. J'passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin. J'passe trop de temps à penser l'absence. Un de mes proches enfermé sous moi-même. Souvent je perds la pêche, une mère, un père. Tout ce que j'ai besoin pour viser plus loin.